OK. Désiré. Elle était tout ce que j'aimais. Désiré. Elle est la mère tout ce que j'aimais. Bill Zig, c'était bien sympa. Hein? Ah merde, faut que je coupe la réverb. C'est ça qui fait l'effet. Hein? Thank you.